Exercice 12, page 149. Et sa voisine sait depuis combien de temps Maud Dupuis est en voyage? Non. Elle nous a dit qu'elle était très discrète. Elle vit seule et reçoit parfois un homme chez elle.